franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Le rayonnement de notre émission est sans limite grâce au web et à la balado-diffusion. Et oui, ce qui nous permet aujourd'hui d'aller loin, en Espagne, à Barcelone. Ah, Barcelone. Alors, dis-toi bien, Marga, que l'on estime environ 60 000 le nombre de Français expatriés à Barcelone, où, paraît-il, il fait bon vivre. C'est vrai que quand on pense Espagne, on pense chorizo et corrida. Alors, Pierre, c'est plutôt chorizo ou corrida ? Bonjour, je n'appelle pas du tout pour ça. Bonjour Pierre. Alors vous nous appelez pourquoi ? Vous ne me reconnaissez pas ? On devrait ? Plutôt, oui. Vous êtes un confrère à moi ou un collègue de France Inter ? Non, plus proche. Un patient peut-être ? Plus proche. Commerçant du Vésinet, le boucher. Je me disais que je connaissais cette voix. C'est non. Ah, non, je sais, c'est le maréchal Ferrand. C'est vous qui avez ferré Jumper, non ? Non. Bon. Papa, maman, c'est moi. Marie-Pierre, mon Dieu, mais t'es folle, on était morts d'inquiétude. Tu vas bien, ma chérie ? Oui, ça va. Bon, écoute, c'est pas le moment ni l'endroit. Alors, écoute, laisse-nous un numéro où on peut te rappeler. Non, mais non, vous n'avez jamais le temps, que pour vos patients et vos auditeurs. Et moi, je suis obligée de vous appeler là pour que vous m'écoutiez. Coûte que coûte. Oui, non, mais ma chérie, on ne peut pas te laisser dire ça. On est là pour toi. On connaît les épreuves que tu as traversées. Et Dieu sait, comme nous sommes attentifs, ton père et moi. Attentif à quoi ? On ne peut pas parler à la maison, on ne sait même pas qui je suis vraiment. Ouais, ce qu'on sait, c'est qu'on t'aime, Marie-Pierre. Ne regardez pas, vous intéressez pas à moi. Vous n'êtes même pas rendu compte de mes changements. De tes ? Changements. Des changements. Si, mais oui, bien sûr que si, ma chérie, on n'est pas aveugle. Tu as coupé tes cheveux, par exemple. Ça fait 4 ans que j'ai les cheveux courts, papa. Eh ben, tu vois ? Écoutez, je suis sous traitement hormonal depuis 3 ans. Ah bon ? Ça s'entend quand même, non ? Oui, c'est vrai que ces derniers temps, ta voix est devenue un peu plus grave. Mais enfin, tu sais, en vieillissant, il y a plein de femmes qui ont une voix qui devient plus grave. Hein. T'as 21 ans quand même. Regarde Juliette Gréco, Marielle Guachet, Barry White, Jeanne Moreau. Enfin, je me rase la barbe et la moustache. J'ai fait une mammectomie. Pourquoi ? Oh, papa, tu sais, je te connais par cœur. Et je sais très bien que quand tu demandes pourquoi comme ça, c'est qu'en fait, tu ne sais absolument pas de quoi on parle. Mais je t'interdis de dire ça. Ah, et ça, c'est quand tu ne sais pas quoi répondre. Bon, écoute, ça suffit maintenant, Marie-Pierre. Bon, cette mammectomie, tu vois, je sais de quoi je parle. Hein. Alors, elle a consisté en quoi exactement ? À ton avis. Bon, écoute, on va pas jouer à ce petit jeu-là. Tu sais quoi ? Parle à ta mère, parce que là, je... Oh, Marie-Pierre, c'est ridicule. Tu as fait de la peine à papa. Tu sais que tu peux être très dur, hein, parfois. Nous savons par quoi tu es passé, la mort de Pierre-Marie, si petit, qui a été un drame pour toute la famille. Oui, il n'y a pas que toi, c'était mon petit garçon aussi. Hein. Et moi, c'était mon jumeau. Eh ben, t'as de la chance d'avoir sous la main un médecin et une psychothérapeute pour t'aider à traverser cette épreuve. Tu peux parler des tonnes de ménocs que papa m'a fait avaler pendant des années, et tes histoires monstrueuses qui étaient censées me faire du bien, c'est ça ? J'ai fait de mon mieux, tu sais. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur. C'était pas une erreur. C'était un crime. Un crime de me répéter depuis que j'ai 5 ans que mon frère mort revient toutes les nuits dormir sur mon lit. Je suis devenu insomniaque. Je suis devenu dépressif. Mais t'aurais préféré quoi ? Qu'on te dise que tu le reverrais plus jamais ? Ben oui. Mais qu'est-ce que t'es dur ? T'as toujours été la plus dure. Alors vous ne voulez pas savoir pourquoi je suis en traitement hormonal ? Non. Je suis en transition. Bon, bah tant mieux ma chérie. T'es en transition de où à où là ? Tu rentres quand ? Papa, je suis en transition de femme à homme. D'accord, alors attends, c'est où ça ? Je connais pas bien l'Espagne, ma chérie. Je suis en train de devenir un homme. Allô ? Oui ? Allô ? Oui. Écoute, Marie-Pierre, tu viens de faire beaucoup de peine à ta mère, alors tu ranges tout ça, tu rentres au Vésinet. Pourquoi tu nous mets devant le fait accompli ? Pourquoi tu ne nous en as pas parlé plus tôt ? seulement j'avais senti que je pouvais le faire, j'aurais fait. J'aurais senti moins seul. Oui, non, mais surtout, on est en 2012, ma chérie, il y a des électrochocs, la castration chimique, je sais pas, moi. Oui, et tu serais guérite aujourd'hui. Je suis pas malade. C'est juste Dieu qui m'a mis dans le mauvais corps. C'est oh tout. S'il te plaît, tu laisses Dieu en dehors de tout ça. Ça ne te suffit pas d'avoir anéanti la famille? Justement, elle va s'agrandir, la famille. Je voulais vous dire que je vais me marier. Mais Marie-Pierre, tu peux pas épouser une femme, enfin, c'est illégal. Non. Je vais épouser un homme. C'est pour ça que je ne change pas d'état civil, mais maintenant, il faut m'appeler Pierre-Marie. Mais alors, Pierre-Marie, tu es de la jaquette? Et le curé, qu'est-ce qu'il... Et on ne se marie pas à l'église. Oh! Pourquoi t'as raccroché? Je peux pas, c'est la goutte d'eau. Elle est tellement dure. Pardon à nos auditeurs de les avoir pris en otage au milieu d'une crise familiale qui ne regarde que nous. Mais désolé, écoutez. S'il vous plaît, ne nous en tenez pas rigueur. Demain sera un autre jour. Merci Yann Chouquet. Encore désolé. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. À votre écoute, coûte que coûte. C'est aussi vos commentaires sur franceinter.fr. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.